Encore une fois, ces terminaisons sont valables pour tous les verbes. Et on retrouve toujours le même R de l'infinitif, au futur comme au conditionnel. Il existe bien quelques contractions de la racine du verbe, mais les terminaisons, elles, sont toujours les mêmes. Elles ne changent jamais. Par exemple, dans les cas des verbes gogo, on ajoute un D avant la terminaison qui fait disparaître la voyelle de l'infinitif. Par exemple, ce soir je sortirai se dit Esta noche saldré. Mais il ne doit y avoir qu'une seule syllabe accentuée. Ah oui, saldré. D'accord, saldré. Et il ne sortira pas No saldrá. No saldrá. Il ne sortira